quand tu souris, ça me donne la joie de vivre. Petit à petit, oh, je t'aime ma chérie. Nani la lingui, oh, tu es ma joie de vivre. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Tous les cas et catchu. Maman souci catchu. Tous les cas et catchu. Maman souci catchu. Je l'ai vu, je la vois, je la veux, je l'entends, je la sens, j'observe, j'analyse et me lance. Je l'ai validé, c'est un mélange sucré salé. Je l'ai vu, je la vois, je la veux, je l'entends, je la sens, j'observe, j'analyse et me lance. Je l'ai validé, c'est un mélange sucré salé. Allez, bouge tes reins, bouge tes reins, bouge tes reins, bouge tes reins. Avec elle est reine comme au lit, avec elle est reine comme au lit. Sexy, sexy, sexy, la gola est sous Cali. Maillé sous Cali, allez, maillé sous Cali, ok. Allez, petit peu.